l'impression, avec les fatigues et la brume, une irréelle apparition, aérienne comme une plume. Elle est entrée silencieuse, ses ailes portées par le vent, dans la lumière cafardeuse, elle a amené un printemps. J'ai d'abord cru à une vision. La nuit a des effets pervers, un excès d'imagination. Elle m'a fait signe de me taire, tremblant un peu sans qu'il fasse froid. Elle semblait encore indécise. Elle s'est approchée de moi et elle a ôté sa chemise. Alors j'ai ouvert grand le lit. Elle s'est glissée dans les draps, frissonnante, fraîche et transie. Je l'ai serrée en mes bras. Les vagues caressaient la plage de sa peau comme de la soie. Nous sommes partis en voyage plus haut que tous les au-delà. Chaque retour est un départ. On sait que la nuit doit finir, que reviendra le jour blafard. Alors on s'est donné sans fin. C'était pour elle la première fois. Quand est venu le matin, elle dormait tout contre moi. Combien de filles dans mes nuits, une semaine, un jour ou un mois, et qui sont tombées dans l'oubli. Les vagues caressaient la plage de sa peau comme de la soie. Nous sommes partis en voyage plus haut.